fais le tour de la terre sans regarder en arrière. Ferai la pluie et le beau temps pour t'aimer comme avant. Tous ces moments inavoués sont perdus à tout jamais. Mais je ne connais pas l'amertume. Je t'attends. Mais s'il me